Les volumes alimentaires disponibles sur la planète sont suffisants pour satisfaire les besoins mondiaux. Pourtant, en Afrique, la faim marque des points. Denis Drexler, économiste à la FAO à Rome. Vous regardez le nombre total. C'est l'Asie et Pacifique qui compte le plus grand nombre de gens affamés. Mais c'est effectivement l'Afrique subsaharienne qui a le plus grand pourcentage de gens qui souffrent de la faim, avec un taux d'environ 30% de la population subsaharienne qui souffre de la faim. Cette situation est la conséquence de la hausse de la population et du retard des politiques de soutien à l'agriculture, longtemps parent pauvre de l'aide au développement. Caroline Bas, directrice de l'ONG Afrique Verte. On est passé à des chiffres de l'ordre de 15% d'aide au développement qui a été donnée aux politiques agricoles jusqu'à ces dernières années. C'est tombé à peu près à 3%. Effectivement, ces chiffres-là ont été discutés au sommet contre la faim l'année dernière au moment de la crise mondiale. Les États ont dit qu'ils s'engageaient à réduire la faim. C'est vrai qu'il y a eu des enveloppes qui ont été distribuées, mais le problème, c'est qu'on a pris un certain retard. Avec des politiques d'ajustement structurel, il y a tous les services d'appui à l'agriculture au niveau des pays pauvres qui ont été plus ou moins abandonnés. Donc les populations rurales se sont retrouvées un peu livrées à elles-mêmes. Des populations rurales livrées à elles-mêmes, affirme Caroline Bas d'Afrique Verte, ce qui crée des obstacles à la hausse de la production agricole, comme le confirme Denis Drexler de la FAO. Il y a des obstacles au niveau de commerce, au niveau de la distribution de cette nourriture où les besoins sont les plus grands. Et là, vous avez une situation avec le secteur agricole en Afrique qui souffre beaucoup, qui dépend beaucoup de petits agriculteurs avec un petit terrain de moins d'un hectare qui n'ont souvent pas accès à des ressources financières, donc ils ne peuvent pas accéder de crédit, ils n'ont pas accès à la technologie nécessaire pour vraiment augmenter leur production locale. Car pour le directeur général de la FAO, Jacques Diouf, on pourrait résoudre les problèmes de la faim dans le monde, précisément en augmentant la productivité agricole dans les pays pauvres.